Activité 4, page 81, piste 63. A. Le parc est en face de la piscine. B. La piscine n'est pas loin. C. La cabane est au milieu de la forêt. D. C'est sur ta gauche.